Wavemaker, c'est comment? Puis-je avoir un cigare, s'il vous plaît? J'suis dans la job, volume au max. J'suis Gorbatchov, crapuleux mind. J'appuie sur le champ, j'viens sabrer le champ. Sa mère la chance, ramène les chances. J'suis dans la job, volume au max. J'suis Gorbatchov, crapuleux mind. J'appuie sur le champ, j'viens sabrer le champ. Sa mère la chance, ramène les chances. J'ai la même dalle que quand j'avais dalle. Veulent me faire, dis-leur qu'il y a pas que. J'prends des selfies, fais que les bacs. C'est le succès, j'paye le prix. Pas ta fuck, j'baisse pas la tête. Ça me courbature, guette par la fenêtre. J'secoue la hure, tu fais des burn-out. Pendant qu'on turn up, j'sors summer crack. En exclu sur Pornhub, plus chaud que l'été, plus frais que l'hiver. Crochet de phrasier, frappe de cluiver. C'est nous les tueurs, fils de la misère. Faut nous interner, nous retirer le mi-père. J'suis dans la job, volume au max. J'suis Gorbatchov, crapuleux mind. J'appuie sur le champ, j'viens sabrer le champ. Sa mère la chance, ramène les chances. J'suis dans la job, volume au max. J'suis Gorbatchov, crapuleux mind. J'appuie sur le champ, j'viens sabrer le champ. Sa mère la chance, ramène les chances. Yeah. Nous invite pas, on est borderline. J'suis sur Insta, comme les porteurs d'Ange. Tu fais le tour de la thèse, j'fais le tour du monde. J'me bats pour ma pièce, toi pour une blonde. J'ramène la coupe, comme un Gelotti. J'suis toujours propre, toujours sobre quand je négocie. Salon privé, avec mes OG. J'ai une meuf, oui, et cette même meuf, une meuf aussi. Plus chaud que l'été, plus frais que l'hiver. Crochet de phrasier, frappe de cluiver. C'est nous les tueurs, fils de la misère. Faut nous interner, nous retirer le mi-père. J'suis dans la job, volume au max. J'suis Gorbatchov, crapuleux mind. J'appuie sur le champ, j'viens sabrer le champ. Sa mère la chance, ramène les chances. J'suis dans la job, volume au max. J'suis Gorbatchov, crapuleux mind. J'appuie sur le champ, j'viens sabrer le champ. Sa mère la chance, ramène les chances. Okay.